Salut à toutes et toutes la tribu, j'espère que vous allez bien. Nous allons super bien, ravis de vous retrouver. Déjà, je tenais à vous remercier d'être plus nombreux à nous suivre chaque semaine sur votre antenne favorite. Ce soir, c'est la Vampire Pix numéro 3. Et je suis très fier de passer ce moment avec vous. Je vous ai prévu du pur son. Nous allons tout de suite commencer avec un Moral Stone, Start Me Up. Je vous présenterai un groupe québécois, The Prowlers, avec le titre de Wolf, que j'adore. Il y aura ensuite Brigada Flores Magón avec La Rage au Corps. Et on finira ce bloc avec un grand classique de Clash, White Man in Hammersmith Palace. I'm a man, I'm a man, I'm a man. I am anchor in a strange place. My ripped up clothing on the strangest faces. Put the detective through the strangest cases. Under my nails all the gruesome dresses. I'm a mess, I'm a mess, I'm a mess. I am the world. Well, I'm a man, I'm a man, I'm a man. I am the world. Well, I'm a man, I'm a man, I'm a man. I am the Sometimes I wake up in strangest places. My ripped up clothes on the strangest faces. Put the detective through the strangest cases. Under my nails all the gruesome dresses. I got a warning, won't you listen to me? If I start changing, I advise you to play. Well, I feel it coming on. We'll be right back. pas si facile, moi j'ai choisi de rester. De tout en est allé, sans jamais te retourner, sans jamais regretter. Venez-vous mes frères, et n'oubliez jamais que le temps peut passer, mais que je me souviendrai que vous savez donner, sans jamais rien lâcher, toujours à nos côtés. La rage collée encore, la rage encore. Il nous reste Oui, la semaine dernière, j'ai diffusé un titre de L'Homme Parle. J'ai vu que ça vous avait plu, alors deux ou trois choses sur eux. Ils sont 8, 7 garçons et une fille. Ils ont sorti 2 albums, Militant au quotidien, en 2009 et En avant en 2013. J'adore cet album. Leur 3e est en préparation, il sortira en octobre. Je pense que vous entendrez des morceaux. Les titres phares de En avant sont La vie de bohème, En avant et mon préféré Sur la route. Oui, justement, ils font plein de concerts en Europe, en France et partout. Et donc, à très très bientôt sur les routes. Et allez, on repart en musique avec Sois pauvre et tais-toi des Sales Majestés, This is K des Bad Manners, Iron Man de Black Sabbath, Pierre-Paul Jacques avec le titre Police, et le dernier extrait du dernier album d'Alpha Blondy, Positive Energy, avec le titre No Brain, No Headache, qu'on pourrait traduire par pas de cerveau, pas de mal au crâne. Eh, bien envoyé. Oui, sois pourri, tais-toi, toi la petite caissière, et meilleur qu'on salaire, en pauvre chez Leclerc. Oui, sois pourri, tais-toi, toi le petit fonctionnaire, tu devrais avoir honte si cher. Et si t'es pas content, comme dit le président, oui si t'es pas content, t'as qu'à foutre le camp. Tous les jours on galère, oui dans le RER, serré comme du bétail, on se rend au travail pendant que Nicolas fait son footing au bois. On se pèle sur les quais en attendant le tramway. Oui sois bourri, tais-toi, toi le sapeur-pompier, tu sais sauver des vies, ça rapporte pas de blé. Oui sois bourri, tais-toi, toi le petit cheminot, tu sais les privilèges, c'est pas pour les prolos. Et si t'es pas content, comme dit le président, oui si t'es pas content, t'as qu'à foutre le camp. Tous les jours on galère, oui dans le RER, serré comme du bétail, on se rend au travail pendant que Nicolas fait son footing au bois. On se pèle sur les quais en attendant le tramway. Tous les jours on galère, tous les jours on galère. Tais-toi, toi la petite infirmière, on te les paiera jamais, tes heures supplémentaires. Oui, sois pourri, tais-toi, toi la petite Kaira, fume ta marijuana, et surtout bouge de là. Et si t'es pas content, comme dit le président, oui, si t'es pas content, t'as qu'à foutre le camp. Tous les jours on galère, oui, dans le RER, serré comme du bétail, on se rend au travail pendant que Nicolas fait son footing au bois. On se pèle sur les quais en attendant le tramway. Tous les jours on galère, oui dans le RER, serré comme du bétail, on se rend au travail pendant que Nicolas fait son footing au bois. On se pèle sur les quais en attendant le tramway. Tous les jours on galère, tous les jours on galère, tous les jours on galère. The authentic sound of now. This is Ska. Ska. This is Ska. This is Ska. This is Ska. This is Ska. Ska. This is Ska. The sound of Ska. This is Ska. This is Ska. Ska. This is Ska. This is Ska. Root boy Ska. Ska. This is Ska. This is Ska. Ska. Ska. Yeah. Yeah. Yeah. This is ska. Make you dance. This is ska. Ska. Ska. Lambie and Buster Shuffle. Ska. This is ska. We'll be right back.

Tiens, dans le prochain bloc, on retrouvera Morchaine 43 avec 43 Connection en t-shirt dans la neige. Fauve avec Mon hymne à la joie, Oh les cœurs en quatre coups durs. Zebra avec son super morceau Peau de zèbre. Un petit Bob, Misty Morning. Et enfin, Right Right Now Now des Beastie Boys. Tiens, d'ailleurs on va jouer. En quelle année est sorti l'album To the Five Boroughs, duquel est extrait ce magnifique morceau des Beastie Boys? Vous envoyez vos réponses sur les messageries Vampire Freaks d'émission radio de Facebook. Vous avez le temps du bloc. Le gagnant sera tiré au sort. Son Ivy ou bien Jane Calamity, l'esprit est le seul en ce bas monde. Il peut faire du ciel un enfer et de l'enfer un paradis. Et tonton, c'est la 43 Connection, il n'y a pas de fumée sans fou. Voici le livre, les signaux de fumée pour les nuls, sortez-les en l'air ou les pieds devant. Fais croire tant que tu peux le facteur paranoïa de tes adversaires. Mets-y du vinaigre sur les lèvres et du verjus dans les yeux. Et tonton, c'est la 43 Connection, il n'y a pas de fumée sans fou. Voici le livre, les signaux de fumée pour les nuls. Sortez les mains en l'air ou les pieds devant. Je pleure et j'échappe, une quinte de tout sépulcrale. J'ai du sang de reste à vomir, je ne veux plus être le juge et le bourreau. Et tonton, c'est la 43 Connection, il n'y a pas de fumée sans fou. Voici le livre, les signaux de fumée pour les nuls. Sortez les mains en l'air ou les pieds devant. Je ne suis plus clean, j'ai les pieds et les poings liés. Et pourtant à tous ces salauds, je leur ferai bien taper mes ranjos. Et tonton, c'est la 43 Connection, il n'y a pas de fumée sans fou. Voici le livre, les signaux de fumée pour les nuls. Sortez les mains en l'air ou les pieds devant. Et tonton, c'est la 43 Connection, il n'y a pas de fumée sans fou. Voici le livre, les signaux fumés pour les nuls. Sortez les mains en l'air ou les pieds devant. We love Bowie. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he blew our mind. We love the Stones. Beatles. ASW Profile Pop Rock Hits. Se parler, se toucher, se voir. Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs.

quand je l'enfile, je peux dévorer une lionne. Ma peau de zèbre, ma peau de zèbre, ma peau de zèbre, ma peau de zèbre. Je l'aime, ma peau, je l'aime, je l'aime, ma peau, je l'aime, ma peau de zèbre, ma peau de zèbre, ma peau de zèbre. Yeah. tomorrow. Need some straightening out. SW Profile Pop Rock Hits. La réponse exacte du jeu était le 14 juin 2004 qu'il est sorti de Five Borough. Enfin quoi, c'était pas la semaine dernière? Bon, je vous propose de poursuivre avec Jane Addiction. Qui c'est Jane Addiction? C'est le groupe du guitariste Dave Navarro. Ben, qui c'est Dave Navarro? Ben, c'est le juge de l'émission Ink Master avec le morceau Just Because en live. Et on restera dans le live avec Pigalle qui fait comme papa, il boit du café. Et ensuite, il y aura les copains lyonnais de Nelly Olson avec le morceau Maria Gate et Kaiser Chief avec Misery Company. We'll be right back.

celui qui les salue. Jusqu'à jamais plus, quand il fallait être là. Il va lui casser pour pas penser à tout ça. Il va lui casser pour oublier qu'il est lui. Il va lui casser pour pas boire du whisky. Il lui casser pour prier pour pas penser à tout ça. À toute cette trace, à tout ce qu'il a. À toute cette ambiance, on ira. Avec des gestes purs, bonne café, la main dans les cheveux. Bonne café avec les yeux humides. En se rendant sa salle, c'est ce qu'elle soit vide. Il boit du café italien bien serré. Il boit du café sans sucre bien bouillant. Il boit du café devant la fenêtre en baillant. En regardant les gens vivre, il se presser. Devant cette trace, devant ce qui lasse. Devant cette ambiance sur les grâces. Tenir, tenir, tenir ses carcasses. Tenir, tenir, tenir ses carcasses. Il boit du café, boit du café. Il boit du café, boit du café. Il boit du café, il boit du café. Boire du café qu'elle est pas là, boire du café pour oublier qu'elle est partie, boire du café pour oublier qu'il est celui qui n'a jamais pu quand il fallait être là. Boire du café italien bien serré, boire du café sans sucre bien bouillant, boire du café devant la fenêtre en baillant, en regardant les gens vivre se presser. Devant cette trace, devant ce qui tasse, devant cette ambiance sur les draps. Tenir, tenir, tenir ses carcasses. Tenir, tenir, tenir ses carcasses. Boire du café, boire du café, boire du café, boire du café, boire du café, boire du café. Yeah. avec toi. C'est à Maria Gates où je plonge avec toi. C'est à Maria Gates où je plonge avec toi. Maria, qu'est-ce que ça veut dire, ces bruits qui courent à la télévision? Maria, ça me fait pas rire, ça veut salir ma réputation. Maria, c'est intolérable, ces rumeurs sur mes fréquentations. Maria, je suis respectable avant les élections. Ah! que c'est bon ces enchaînements live, et j'espère que vous en profitez autant que nous. Vous avez été très nombreux à jouer et je vous en remercie. Dans un instant, les bébés brunes avec Nicotine Love, le deuxième groupe québécois de la soirée, Fidel Fiasco. Je vous reparlerai d'eux une autre fois. Avec la pièce Le nom du profit, au passage, c'est bientôt un camarade. Nous aurons l'ordre d'Héloïse avec la horde. Et tout en disant salut à toi, vous retrouverez SOS en live des Béroïs et Noirs. Juré, on s'enfumine, on vide le plancher de la station maigrier. Les flics se pointaient, contrôle d'identité. Et nos ailes brûlées. Prisonnier, mes notes aux poignets. Ça fait mal beauté, rêver gloire. Mais n'avais-je pas vu arriver les fourgons blindés là, gyrophare. Je fais des ronds et je me marre en pensant à ce vieux ronçard. Et pour de bon, ce sera évadé. Et jamais plus, ils ne pourront nous retrouver. Nos deux éperviers, en plein vol d'été, se sont fait plumer. Quel cauchemar. Et moi, je voyais des larmes couler sur des noir, je te mis ma beauté. Mes poumons gris, nos poumons noirs. Qu'est-ce qu'on s'en fout, puisque demain c'est la fin de l'été. Car nicotine et corbillard, peu m'importe, demain on sera des voleurs envolés. Alors faisons des ronds et des ronçards, de fumée blonde, de fumée noire. Et souris ma bonnie. ESW Profile Pop Rock Hits. Pour qu'ils disparaissent en mer. général. Leur terre saigne et ça semble si banal. Thank you. tête devant des comme une momie. Et de se trouver derrière le rocher noir. Des cris de combat, opération de survie. Et dans sa tête tout empêchilé. Et puis les images dont il est hanté. Et dans sa tête tout enveloppé. Il fait des images comme une lame enlacée. S.O.S. Le drapeau la colère. S.O.S. Pour des poésies sur terre. S.O.S. La police ou la guerre. S.O.S. Tu n'as plus de frère. Alerte, alerte, tu pleures sur le Vietnam. Alerte, alerte, tu pleures en Afghanistan. Alerte, alerte, les gaz et les défroyants. Alerte, alerte, tu pleures sur Nicaragua. Des joueurs piégés, mais dis-moi ça. Alerte, alerte, tu pleures sur les Liban. Les Palestiniens, c'est une abus de sang. S.O.S. Ils partent sur les machos. S.O.S. Ils savent bien qu'il est. S.O.S. Ils savent là-bas. S.O.S. International. Alerte, alerte, au silence et mairie. La neige est tombée, tout pour les prix. Alerte, alerte, tu pleures sur le Chili. Les coups de matraque juste dans ton lit. Et qu'est-ce qu'en fait-il au royaume de ses amis. Nous c'est des films noirs comme l'Europe ou l'Anarchie. Et qu'est-ce qu'en fait-il sur notre monde. Le capitalisme fait-il la joie et les familles. S.O.S. Assez d'hypocrisie. S.O.S. Assez la barbarie. S.O.S. Trop d'idéologie. S.O.S. Pour le droit d'avis. Alerte, alerte aux lois sécuritaires. La France est-elle fière de ses valeurs policières. Alerte, alerte aux prisonniers d'opinion. Et dans les prisons, liberté, prison bon. Alerte, alerte, de même en Afrique. Milliers de criquets, pas une goutte de pluie. Alerte, alerte, il a plus à tuer le pays. J'ai fini de l'air. S.O.S. Pour les peuples en détresse. S.O.S. Pour le droit au respect. S.O.S. Un peu de dignité. S.O.S. Pour tous les opprimés. Les jeunes soldats se sont lits d'hôpital. La tête de bandit comme une momie. Les deux yeux fouillés à l'air de progrès de noir. Les cris de combat, les raisons ils sourient. Aux jeunes soldats, les bêtes à batterie. Les airs de la terre va donc au paradis. Et si c'est l'enfer, change de galaxie. Tant qu'on a guerre, c'est que tout est pourri. S.O.S. Ne fermons pas les yeux. S.O.S. Oui, nous devons faire mieux. S.O.S. Un mondial. S.O.S. Trop de nationalité. S.O.S. Et trop de fanatiques. S.O.S. Sur le drapeau mondial. S.O.S. Voilà, t'es la gueule. Cette émission touche malheureusement à sa fin. Je vous remercie encore de nous avoir suivis sur cette antenne. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur votre radio favorite pour une prochaine Vampire Freaks, l'émission où je m'invite dans votre salon. Pour finir, ici et ailleurs, ça fait 30 ans que c'est la crise pour les petites gens et je suis comme vous tous. Et comme l'ont si bien dit en 2007 Carly TK Doc, j'ai pas de sous! Charlie, tu fais quoi ce soir là? Il vient pas? Bah non, y'a pas de sous. Oh, putain, et moi faut trop que je le vois là, il me doit 10 euros. Bah et moi, tu crois que tu me dois combien? Attends, la dernière fois je monte à Pélu, je le vois, il m'avait même pas encore dit bonjour, il m'avait déjà taxé deux clubs. J'ai pas de sous, quel compte en banque qui pisse le sang? J'ai pas de sous, y'a personne qui m'aide pour mon argent. J'ai pas de sous, la voiture avance quand y'a du vent. J'ai pas de sous, non, j'ai pas de sous, non. Il en va, c'est lui, attrapez-le, attrapez-le, c'est lui, il en va. T'as pas de sous, tu m'as 10 euros, ça fait trop longtemps. T'as pas de sous, merde, 15 du mois, tu deviens trop chiant. T'as pas de sous, toutes les crêpes que tu fumes, c'est celles des gens. T'as pas de sous, t'as le même t-shirt, moi, il est plus au moins de 12 ans. J'ai pas de sous, j'ai le compte en banque qui pisse le sang. J'ai pas de sous, y'a personne qui m'aide pour mon argent. J'ai pas de sous, la voiture avance quand y'a du vent. J'ai pas de sous, non, j'ai pas de sous, non. Il en va, c'est lui, attrapez-le, il me doit 10 euros. Laissez-le me partir, il me doit 10 euros, cassez-lui les jambes. T'as pas de sous, t'as des ardoises dans tous les bars. T'as pas de sous, quand tu rentres à la banque, tout le monde se marre. T'as pas de sous, t'as jamais de forfait sur ton portable. C'est chiant, t'as pas de sous, ça fait 6 ans, t'as même rasoir, je t'as. J'ai pas de sous, j'ai le compte en banque qui pisse le sang. J'ai pas de sous, y'a personne qui m'aide pour mon argent. J'ai pas de sous, mais moi